you get. Welcome to the war. Laisse-nous faire et pour le reste c'est toi qui vois. Dis à tes rappeurs qu'ici c'est nous on fait la loi. J'ai dit welcome to the war. Vous allez rendre Watibé ce qui appartient au Watibé. Vous allez rendre Watibé ce qui appartient au Watibé. Rendre Watibé. Rendre Watibé. Rendre Watibé ce qui appartient au Watibé. C'est la cérémonie des Oscars. Y'a des gays là-bas, des goûts, des costards. Désolé mais ce soir on est tous en mode star. Mesdames et messieurs ce soir il va pleuvoir des Oscars. C'est le Watibé boss qui remet les trophées. C'est la Wati cérémonie des Oscars. J'ai plus rien à prouver qui gagne des trophées. C'est la Wati cérémonie des Oscars. Vous êtes les bienvenus dans le WAP. C'est la Wati cérémonie des Oscars. J'ai dit bienvenue dans le WAP. C'est la cérémonie, j'en mets. J'suis nominé, j'ai ramené 2-3 côtés. Check une bouteille dans la foule, y'a du démon pour l'occasion. Ça peut soigner, j'suis venu chercher mes trophées 100% ghetto cagoulé. J'ai vu trop de potes, c'est les trop de potes. C'est des personnes, mais des kill trans. Le silence est torché, trimé, percé, stylé, assassiné. Trop de gens, les récamons parlent. Manquer de respect, tout le monde sait qu'on reste les champions incontestés. Cette année, j'vais te molester, en toute modestie. Parlez-moi qu'on espèce, rien à foutre ton estime. Sache qu'on a taffé chaque jour sur flow qui tifle. Chaque jour démarre comme on échappe tous nos talents. Leur échappe tous sinon. Moi c'est dans les hécatombes que j'aime bosser. Pour ça que tes hématomes sont devenus mes grains de beauté. C'est la cérémonie des Oscars. Y'a des gays là-bas, des goûts, des costards. Désolé mais ce soir on est tous en mode star. Mesdames et messieurs ce soir il va pleuvoir des Oscars. C'est le Wati boss qui remet les trophées. C'est la Wati cérémonie des Oscars. J'ai plus rien à prouver qui gagne les trophées. C'est la Wati cérémonie des Oscars. Vous êtes les bienvenus dans le WAP. Qui rivalise si le roi est à l'affiche. Que des pâles copies dans le beurre à se tapant l'affiche. Eustus pour la couronne ou pour le bénéfice. Eustus fait que préméditer des homicides. What? Ils sont aveugles mais entendent tous. Maigret la école quand chez nous les rimes poussent. Ils ne font que tirer sur le navire. Mais comment couler un bateau qui dans les airs navire. Plus tu prends des ailes dans le rap et plus tu perds ta plume. Joue un rôle, fais le trottoir à défaut de pouvoir faire la rue. Suffit d'une balance et d'un coup t'arrêtes de peser. J'embellis mon navire et toi t'es pas la traite de regret. J'écris et toi tu cries, t'es écrit et moi. J'kiffe un concurrent, t'as pas la porte, allez, virez-moi un steep. T'auras jamais ma cote, t'auras jamais mon équipe. Fais pas le mec qu'on a dans le ventre, en un son. C'est la cérémonie des Oscars. Y'a des gays là-bas, des goûts, des costards. Désolé mais ce soir on est tous en mode star. Mesdames et messieurs ce soir il va pleuvoir des Oscars. C'est le Wati boss qui remet les trophées. C'est la Wati cérémonie des Oscars. J'ai plus rien à prouver qui gagne les trophées. C'est la Wati cérémonie des Oscars. Vous êtes les bienvenus dans le WAP. C'est la Wati cérémonie des Oscars. J'ai dit bienvenue dans le WAP. C'est la Wati cérémonie des Oscars. Hey boy, ici rien n'est gratuit. Accélère, n'attends pas qu'on donne. Welcome to the WAC Beris. On vous a dit pas besoin d'en faire des tonnes. C'est toujours le WAC, les guilles. Je ne veux plus t'entendre demander mais qui sont ces types. C'est toujours le WAC, les guilles. Dédicace au boss et tous les Wati soldats. C'est la cérémonie des Oscars. Y'a des gays là-bas, des goûts, des costards. Désolé mais ce soir on est tous en mode star. Mesdames et messieurs ce soir il va pleuvoir des Oscars. C'est le Wati boss qui remet les trophées. C'est la Wati cérémonie des Oscars. J'ai plus rien à prouver qui gagne les trophées. C'est la Wati cérémonie des Oscars. Vous êtes les bienvenus dans le WAP. C'est la Wati cérémonie des Oscars. J'ai dit bienvenue dans le WAP. C'est la Wati cérémonie des Oscars. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Quand on parle de nos vies, quand on raconte les joies, les peines qui s'affrontent dans nos villes, tu sais que c'est réel. Quand tu sors la tête de l'écran, tu vibres et tu vis vraiment. Le réveil est impossible dans ce monde utopique. Ça en devient presque hilarant. Tu sais pertinemment que tu trompes mais tu t'obstines. Cette merde est abstraite, le succès est éphémère. C'est la fin, il faut que tu t'apprêtes mais tu préfères laisser faire. À force de trop vite s'initier au rap, on rentre dans une matrice, on sent comme une machine. Productivité j'en au max. J'en ai assez de voir des femmes au cœur de pierre souiller le monde. Être au fond de l'amour et le sexe, elles veulent te faire toucher le fond. On grandit au son des innocents discours grandiloquents. En ignorant que l'amour fait ressentir un manque sanguinolent. Des blessures insensibles autant, je te l'ai déjà dit. Dans Shuga, j'écoutais autant de Kuba qu'à couplets de rap sur Shukwan. J'ai dit je t'aime à mes ex. Maintenant j'essaye de ne plus prendre le poids des mots à la légère. Hédoniste authentique, je suis foutu d'avance. L'amour dure 3 ans pour les égoïstes romantiques. J'ai du mal à me relever.

fire. Y'a plus d'espoir, rouge noir, cop à 5000 ans. J'fais le bilan, plus violent que du MMA. Qu'une double frappe de Benzema. Tu croyais quoi, mais baisez-moi. J'suis dans le tir-feu, oublie-moi. Mais qui es-tu, n'intéresse personne. Ni LCI, ni 9 de Easy. Personne te respecte ici. J'te le dis, j'te le redis. J'ai une bad bitch sur ma bizarre. De vendredi à vendredi. Si, si, m'attaquer, vous n'auriez jamais dû détrôner le duc. Restera du jamais vu. Qui vous met en haise? Grand Sénégalais au sexe long. Rouage de veste. Tu peux braquer avec ton petit frelon. J'attaque quand tu ne m'attends pas. Ni homme, ni attentat. T'élève ton offre, ni crame. Chez nous personne vous aime. Ni homme, ni femme. Vous ne vendez aucun disque. Ne plus graver pas de milligrammes. Polyrique sur Ezima. Poète, poète, prot, prot, bam, billy bam. Bienvenue en 2013. Cop à 5000 ans. J'fais le bilan. J'suis venu mettre les tibias sur les écrans comme l'Iran. Chez nous on fait ça bien. Tu sauras pas d'où ça vient. Missile, polos, anti-aérien. Cela ne mène à rien. Il n'en restera qu'un. Il n'en restera qu'un. Il n'en restera qu'un. Négro, il n'en restera qu'un. À la fin. Easy, easy, beef. Easy, easy, beef. Il n'en restera qu'un. Ma mère, elle qui a tant souffert. Je ne leur pardonnerai jamais. Même quand ils seront 6 pieds sous terre. Moi je suis frais, je suis rose de faisait. Jusqu'à la fin du siècle. Et les vrais négros le savent bien. Donc eux, ils ne savent rien. Rafale en Kawasaki. Eux ne feront nada Klaoui. Bienvenue sur Tatawine. Vous êtes assez clic, Sahraoui. Oui, oui, je win-win. Tu refuses de monter sur le ring. Ring, ni couille, ni bling, bling. On te fait les poches, ça ne fait que gling, gling. Fort, t'es grave en chien. Comme Emile Louis Laonizi. Le premier rappeur pointeur. Double Uzi pour mes ennemis. Iqbal, t'étais au Heps. Tu m'envoyais des paquets de pâtes. Aujourd'hui tu parles mal. Wallahi Billahi, ne t'inquiète pas. Il parle français, dit de la merde. Peut-on dire qu'il est bilingue? En tout cas, il est vilain. Oh mon dieu, qu'il est vilain. Ça joue les criminels, ça braque des foufounes. Oh non, la fouine n'a-tu pas honte? Agression sexuelle sur enfant. Le savoir est une arme, je suis calibré, je n'ai pas de bouquin. J'ai des pics sur le cœur, comme sur une paire de Louboutin. Si le rap n'était que vous deux, il ne serait vraiment qu'une grosse putain. Pas de diplôme, mais je suis heureux, fuck les zéros sur mon bulletin. Chez nous on fait ça bien, tu sauras pas d'où ça vient. Missile, polos, anti-aérien, cela ne mène à rien. Il n'en restera qu'un, il n'en restera qu'un. Il n'en restera qu'un, négro, il n'en restera qu'un. À la fin. Easy, easy, beef. Easy, easy, beef. Il n'en restera qu'un. Easy, easy, beef. Easy, easy, beef. C'est Laouni Mouhid, né le 25 du 12 en 81 à Trappes. Ouais, il est super connu. Une menace avec armée blanche, dégradation de biens privés, encore des un recel, une extorsion de fonds, agression sexuelle sur mineurs, outrage à la personne chargée d'une mission de service, une atteinte sexuelle, toute violence monétaire. Sale pointeur, Emile Louis Laonizi, un roche de fesses, chousse ni couille de bois, Zoulette Empire. Il ne restera qu'un en rêve. Attends, je vais les repartir. 9 de Ison dans la maison. Comme un gosse, me rebelle comme un ado. te bats comme un homme. Pour l'or, leur monde il est pas beau. J'en rêve d'un autre. Pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme, pour l'or. Et tu seras un homme, mon fils. On ne me l'a jamais dit. Combien de matins solitaires, combien d'après-midi, combien de bonjours orphelins. Quand je marchais tout seul, tout pâle, tout queuse. Plus tard, schfuzzbull, j'ai littéralement pas manqué de coup de bol. Enfant, j'ai la tête qui tourne comme si je faisais la coupole. Tout naze, je sais pas jouer au football. J'ai pas de grand rush, quand tiens en brouille, je la joue cool. Si ça va loin, je me chiffonne. Souvent la trouille au beat, j'intériorise. Pour moi, être riche, c'est le magnétoscope, l'automobile. On a aucun des deux, c'est pas la joie, on n'est pas trois, on est un et deux. J'ai l'air de me plaindre, il n'en est rien. Je disais ma mère, c'est la mieux. Sa main dans ma tignasse, l'autre qui me chatouille. Et puis après je chiale à cause d'une maudite ratatouille. J'ai grandi vite, mais parfois je vis à retardement. Sur des trucs faut que je grandisse, j'avoue, je prends mon temps. Je rigole comme un gosse, me rebelle comme un ado, me bats comme un homme, pour l'or. Leur monde il est pas beau, j'en rêve d'un autre. Pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme, pour l'or. Comme un agneau, le pelage d'un fou. Pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme. Cherche des signaux pour avoir l'âme sauve. Pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme. D'ici, enfant, homme ou homme-enfant. Ça dépend, j'ai besoin d'affection et de câlins assez souvent. Demi-abandonné, petit, j'ai dû jouer dans la cour des grands. Cœur tendre, main en velours, donc en fer sont mes gants. Faut bien que je me protège quand le mal débarque avec tout son cortège. Et déjà au collège, j'étais mal à l'aise. Trop bon pour jouer les mauvais, obligé d'être stratège. Ni victime, ni un bourreau, les puissances de nos beaux rôles. C'est derrière mes pectoraux que se cache ma couronne. Et ma vie n'est qu'une course contre la montre. J'ai le syndrome typique du manque de daron. Quand j'étais gosse, je trouvais les journées longues. Maintenant elles sont trop courtes, je vois même plus pousser mes ondes. C'est pour ça que j'aime que l'été quand le soleil est rouge sang. J'ai des envies de fuir depuis l'adolescence. Je rigole comme un gosse, me rebelle comme un ado, me bats comme un homme, pour l'or. Leur monde il est pas beau, j'en rêve d'un autre. Pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme. God damn, la vie est bien faite. Avant je disais j'ai rien fait, aux innocents les mains pleines. Je l'ai appris de plein fouet comme un train. J'ai plusieurs comportements. J'ai pas besoin de cadre, j'ai besoin d'ornements. Car l'homme est un loup pour l'homme. Par ici à la fois père, fils et frère. J'ai réussi jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici. Je rigole comme un gosse, me rebelle comme un ado. Pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme. Cherche des signaux pour avoir l'âme sauve. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Gizzy Uso, ZS, Yoni Willy. Yo, j'ai déjà pensé à la fin, pourtant j'en suis qu'au début. Je peux encore me tenir debout et assumer mon débit. Combien de temps ça va durer, j'en sais rien. Genre je veux stopper, une voix vient me susurrer que j'en ai besoin. Pourtant je sais bien que c'est faux. Putain c'est dingue, c'est chaud. À croire que ça m'aide à oublier que j'ai plein de défauts. Fait je suis pensif, je sais pas trop où je veux en venir. Et si je tourne autour du pot c'est pour mieux le remplir. Tu vois ce que je veux dire, l'argent pour mes proches et là c'est des sauts top. Là tu vois ce que je veux vivre, il faut que je me concentre. Que je sois scred et que j'aille dans la bonne direction. Il faut du bon sens dans mes cahiers pour être au top quand je vais kicker le son. Faut que je parle à ma génération, que je les calme un peu parce que crois-moi, ils sont vénères à fond. Fonctionner sous les tours, ouais. Contrôler à tous les coups, ouais. Tout apprendre rien à donner, donc forcément ils jouent des coups. écoute. Tant qu'il y a des sommes, pour eux c'est cool, mais le téléphone est sur écoute. Une commission, un mandat, des menottes et tout s'écroule. J'ai su ma peine et je m'accroche. Ce matin, je parlais avec un pote, il avait 18 mois ferme dans la poche. Putain, j'ai même pas quoi penser, à part que ça doit changer. C'est quand tu t'es cassé la cheville que tu les vois danser. C'est quand t'as rien dans le bide que tu vois qu'ils bouffent. Et c'est seulement quand tu t'étouffes que tu t'aperçois qu'ils souffrent. C'est ma vision de la chose, c'est comme ça, t'as ou t'as pas. Alors bats-toi pour ta part avant de finir au tapis. T'as vu, je gratte le papier, gratte des thunes. Casse la tête, ça casse les burnes, je fais pas la fête, c'est rap et j'tude. J'suis moins au quartier, moins dans ma cave, moins dans les dièses crates, mais j'suis bien dans ma vibe. Des fois j'me laisse aller, j'm'en donne le droit de rêver. Des disques d'or, une villa et 3 ou 4 féfés. J'suis ce petit qui a étonné les doyens, mais une fois alcoolisé, j'ai comme du mal à me donner les moyens, comme du mal à faire le vide. La rue me manque, des fois je me vois péter les plombs et me remettre au deal, me remettre au vol. À la bagarre aux escroqueries, c'est pas des conneries. Dans ma nouvelle vie, y'a que des mecs trop pisses. C'est bizarre, hein. Dans la rue, j'avais des problèmes, et même eux, ils me manquent. Il faut que je fasse le tri. J'ai des potes qui m'ont baisé la gueule, j'ai pété les plombs et j'ai blessé ma feuille. J'ai fumé du shit, énervé, stressé, angoissé. Comme une envie de buter du flic, comme une envie de partir. Mais ma passion m'oblige à rester là. J'aime quand ça kick dans les concerts, j'aime quand ça lève les bras. En fait, je pige plus. Des fois j'ai envie de tout plaquer, des fois je me vois crever pour la cible, j'hésite plus. S'il y a du flou à prendre, on le prend. S'il y a un coup à prendre, on le pend. J'en ai marre des états d'âme, moi je veux changer la donne. Pourquoi pas quitter Paname pour écrire le prochain album. En attendant, je suis là et je me tue à la tâche. Rime sale, freestyle, je fais ce truc à l'arrache. Je suis pas dans celui de la mienne, je suis dans le huc à ta femme. Les MC gratte sur iPhone, donc ils sont plus à la page. J'ai mis un bail avant de quitter mon quartier, avant de comprendre que mon salut c'était mon pic et mon cahier. Des enfoirés m'en veulent. Je pense que je suis millionnaire, ils ont pas vu ma gueule, moi je suis qu'un visionnaire. Je suis encore loin de mon dernier tour de piste. J'espère que c'est pareil pour mon dernier jour de vie. Je me vois mal crever tout de suite. Starfaller, à deux pas de la réussite, je vois ma mère en larmes après ce coup de fil. Priant pour qu'on me ressuscite. Non, sérieux, Paris c'est moche, il faut se faire la belle. Le déficit sera dans les poches et ouais ça fait de la peine. Ça fait des délinquants, des mômes qui vont faire le mur. 10 ans plus tard, ils ont des gauves et une paire de cuirs. Ils ont des armes. Des spliffs au bec, sert des femmes en discothèque. Ils bossent du gramme au kilo d'herbe. À cause de ça, les flics aux fesses. Voilà mon constat, on a du mal à rester constant. En fait, il est vraiment temps qu'on se tire. J'ai soif de victoire, je suis pas là pour figurer. À ma famille, j'ai juré que je marquerai l'histoire. Wesh maman, elle est loin à l'époque du foyer. Maintenant, on a de quoi payer le loyer. Où elle est sous sa va, mais c'est la merde à la sommet. On croyait que c'était un bon, on s'est trompé. Je suis pas mélancolique, je raconte juste un passé pas facile. Avec toutes ces merdes, j'aurais pu aller à la cible. J'étais désorienté, des gens bien m'ont ouvert la porte. Et j'ai pas fait l'effort d'entrer, me demande pas pourquoi. Même moi j'en sais rien, mais s'il faut trouver des excuses, t'inquiète pas, j'en ai plein, c'est la nature de l'homme. On se ment pour se rassurer. Même si on est conscient que ça va pas durer, j'ai que ma bite et mon couteau. De façon, il m'en faut pas plus pour claquer des ch'tecs. Et je lasse des traites, des armes et l'espèce. Y'en a plein qui en sont morts, à force de tenir les murs. Bah, on fait pleurer nos mères, faut qu'on trouve l'échappatoire. On est voué à la gloire, même si on nous donne perdant depuis le cours préparatoire. Et même sans poison, l'antidote c'est pas mal. Au moins, je me poisson, les antipopes de Paname. Demande à Rémi Rem de Météor, à Mathieu de Planète Sum. Face à toutes mes punches, ils ont pas assez de gun. J'flingue sur le rap, bien sûr que j'peux brasser. Si j'fais un feat, y'a t'es dingue sur le track du genre Lascar. C'est Cayenne, Sac et Zacharien. Laisse les ricaner, c'est nous qu'on va se marier à la fin. C'est sûr, depuis que j'pratique, j'suis perçu comme un mec énigmatique. J'm'applique à faire fusionner fond et forme, à écrire des images pour implanter mon décor. Y'a pas que du shit et de la bière, y'a des amis, y'a ma mère, y'a tous les mecs avec qui j'ai connu la vie de galère. Écrire des rimes, je savais que ce serait risqué, parce que tu tripes de salaire quand t'enlèves le strip que t'avais. Comment se vider la tête dans cette industrie, ils ont faim du fric et pour l'avoir ils font des fils de femmes lettres. J'avoue c'est triste de l'admettre, mais c'est véridique. On nous élimine quand on sort pas d'un réseau élitiste. Et j'suis pas pessimiste, on s'en sortira. Au pire les pieds devant, allongés dans un corbillard. C'est toujours mieux que de vivre en chien à pacha dans le métro. À Treux, ça c'est l'époque où t'étais le pacha dans le ghetto. Bah ouais ça va méga vite, quand t'en fais les frais tu peux rouler des mécaniques. Et le lendemain manger des pièces pour boire un peu de vinaigre. Taper de la cam dans le noir avec 10 mecs, frapper du crâne. Non, il faut des centaines, des milliers, des millions, des milliards, des virées, des histoires à raconter à nos progénitures. Genre en 2011, j'ai sorti un projet qui tue. À l'époque, j'étais toxé, alcoolique, je me tuais à la Z. J'y ai laissé des neurones petits, ne fais pas la même. Ou tu goûteras ma ceinture comme j'ai goûté celle de mon père. Je taperai par amour pour que tu manques pas de repères. Voilà 2-3 trucs que je dirais à mon fils. NTM avait raison, faudra pas qu'il glisse. Laisse-moi, je suis dans ma ruche. J'écris avec la rage, cherche une solution pour devenir riche. J'en ai marre de courir après les lovés. Je voudrais qu'ils viennent à moi pour ensemble on puisse se sauver. Qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Je ken le rap et deux phrases dès que je gratte. Et toi, qu'est-ce que t'as fait de ta rime? Hein? Dis-moi, tu l'as travesti pour du fric. Bois de Boulogne, tu lui as fait baisser son slip. Bois de Boulogne, on n'est pas pareil. Tu te rends en Jamaïque à Paris plage. Moi c'est dans ma grotte que j'écoute Vibes Cartel. Pédave la peu devant les bleus, finis avec les yeux rouges. Puis grave la marron dans le noir, c'est plus dégueu, c'est des ouf. Wesh, sista, check tu sus, mais je suis pas une classe. Je veux juste gratter ma place. Bref, check tu sus, voilà. Les MC c'est tous des tasses. Voilà, t'as beau parler de rafale, on va te faire avaler. Cousin, check tu sus, d'ailleurs faut que t'arrêtes. Tu sais, soupir en ce moment, tu pompes. Pour un mois, je me roule tes barrettes. J'ai plus envie de faire semblant que ça va. Je veux pas ton fit, je veux pas entendre ta voix. T'as aucune éthique, t'es qu'une langue en se bagarre. À quoi bon faire le fou? Tu travestis pour ton rap, pour gagner les bacs. Sache que tu perds le zoo. Tu perds ta réputation pour monter ta cote. Mais cirer les bottes, ça fait pas partie de notre éducation. C'est juré d'être fier et digne, de protéger mère et fils, quitte à être un requin à la Jerewing. Je reste fort et indomptable depuis que tes potes sont retournés contre moi parce que j'ai signé un contrat. On marchait ensemble, putain, on était comme cul et chemise. Je commence à peine à m'en sortir, qui veulent tuer le kiss. Tu sais quoi? Ça m'a donné deux fois plus de force que jamais, vu le mort que j'avais. C'est tout. Passe le gros. J'aimerais dire un truc, c'est que Jacques te trompe. Je vous avais prévenu qu'on n'est pas ex aequo. Si je m'appuie sur toi, je te casse l'épaule. Y'a mon gars d'égo. Là c'est du watch the throne. Si tu me suis trop près, je te casse les côtes. T'as pas de chance d'être tombé sur les gardes-côtes. Ce soir j'ai sa casse, alors bloque le drone. Y'a mon gars d'égo, là c'est du watch the throne. Ça fait des années qu'on subit, 75. Ça fait des années qu'on respire. Cette odeur de pisse, cette odeur de pisse. Maître qui s'en va, très loin de quelque part. Si tu jactes sur moi, je ne serai qu'à quelque part. Tu n'existes pas, quelque part. Ne me teste pas, casquette, lunettes, beubard. J'ai grandi et sentiment, entouré de caïmans. Dans le noir quasiment, une balle avec des sentiments. J'ai rien à faire correctement, je peux pas faire autrement. 7-5-0-9, empire ottoman. Mal de graines, trop de fumée. Tout ça pour oublier que chez moi c'est petit comme un comprimé. Malgré ça, pas de remède, les flics à quelques mètres. Quand tu seras maître, je serai sûrement à des kilomètres. Dans le noir, on se camoufle, plus de 2 mètres, on capouille. Faut que la hiérarchie, je suis le champion de capou. Le chanteur de ta douce femme qui met son sous à la fenêtre pour écouter du Muggy sous sa douche. Passe le chrome. J'aimerais dire un truc, c'est que Jacques te trompe. Je vous avais prévenu qu'on n'est pas ex aequo. Si je m'appuie sur toi, je te casse l'épaule. Y'a mon gars d'égo. Là c'est du watch the throne. Si tu me suis trop près, je te casse les côtes. T'as pas de chance d'être tombé sur les gardes-côtes. Ce soir j'ai sa casse, alors bloque le drone. Y'a mon gars d'égo. Là c'est du watch the throne. Ça fait des années qu'on subit, 75. Ça fait des années qu'on respire. Cette odeur de pisse, cette odeur. On demande pas la vie d'un mort, ni son chemin à un aveugle. Je vis dans le noir, tu veux me voir, fin aveugle. Difficile à comprendre comme Hamdoullah chez les envieux. Tu capteras mes punks du mois de mars au mois de janvier. Bande de cons, que des grandes enjambées. Je suis dans le coin, ressentez-vous le danger. Je vous bande les yeux, vous verrez que j'ai pas changé. Je fume pas de shit dans mon crâne, j'ai un sanglier. Je fais du rap satirique sur tes ondes satellites. Et je sais que ça t'irrite, une gâterie ça mérite. Laisse-moi juste 5 minutes, préviens ceux qui m'imitent. Style flow sans limite, pour le fil de son milieu. Pas de soi, Camille, 20ème ou Arakiri. Quartier S, Germanie, ou Antel, j'ai mamie. Appelle-moi loi de gravité, je vais te faire tomber. Putain de rap game, moins de salaire qu'un plombier. Passe le gros. J'aimerais dire un truc, ce qui jacte trop. Je vous avais prévenu qu'on n'est pas ex aequo. Si je m'appuie sur toi, je te casse l'épaule. Y'a mon gars d'égo. Là c'est du watch the throne. Si tu me suis trop près, je te casse les côtes. T'as pas de chance d'être tombé sur les gardes-côtes. Ce soir j'ai sa casse, alors bloque le drone. Y'a mon gars d'égo. Là c'est du watch the throne. C'est un couvre-feu, rentrez chez vous. C'est jour. Oh my god. Ça fait des années qu'on subit. 75. Ça fait des années qu'on respire. Street life. Cette odeur de peace. Street life. Cette odeur de vice. Hommes libres, debout, et nos faits d'armes resteront dans les mémoires. Sur nous, même le temps s'effrite. Spartiate Spirit. Tu vois style sur la grille de départ, c'est nous. Fiers, passionnés, prêts à tout, sauf plier les genoux. Six mecs anodins, vaillants paladins. Six tueurs furtifs à l'esprit vif comme Manhattan. Unir nos compétences, c'était croiser nos destins. De cette alliance naquit une arme dont les mots sont les plus craints. Entre mortelles tirades et sanglantes ritournelles, nos vers ont survolé le globe, le rasant de leurs ailes. Né d'une cité réputée pour ne pas fermer sa gueule. Marseillais, ouais c'est vrai, beaucoup trop d'orgueil. Volontaires, décidés, prêts à dessiner nos destinées. Et fuir le sort de ces troupes décimées. Et le temps a filé, nous pris dans ses filets. Ballotté entre drames perso et cris de nouveau-nés. Entre furieux assauts et repos du guerrier. En plein cœur d'une bataille, un jour l'un de nous s'est écroulé. Qu'il en soit ainsi, rien n'est éternel. La félonie guette au détour de chaque ruelle. Toujours en alerte, les cinq sens en éveil. Trop de blessures, fallait bien qu'un jour la bête se réveille. Sous le feu du soleil, ou les pluies torrentielles. Soumis à lui, mais notre quête, elle n'attend rien du ciel. Nos convictions nous poussent, la technique fait le reste. Je ne sais pourquoi le bruit du frac à des phrases nous appelle. C'est notre bushido, entre sourire et larmes. Servir la rime ultime jusqu'à ce que la mort nous désarme. À repousser sans cesse la charge de haineux déchaînés. Tu nous trouveras toujours là droit au bout de ce défilé. Spartiate Spirit. Toujours là, ouais. Ouais. Toujours là. Toujours là. Hein. Spartiate Spirit. Ha. Toujours là. Toujours là. Toujours là. Tu le sais. Sur nous-mêmes le temps s'effrite. Spartiate Spirit. Dans ces jours les plus tragiques, on n'a jamais perdu la foi, cédant à la panique. On préserve l'éthique, ça s'entend dans les titres. Pas un instant ne fut bafoué le sens du mot équipe. Nos mains forgées nos armes, dans le bain de nos âmes. C'est un savant dosage pour pas gober du Prozac. Et quand on rentre seul, on fait face à l'espace. Il faut savoir qu'on partira tout sans laisser de traces. Du moins physiquement, égo devant la mort. Le vieux se fout pas mal de nos 50 disques d'or. Il te dira le vent, il soufflera le chant. Des petits rats militants terrorisant des éléphants. C'est vrai l'histoire est belle, parce qu'on écrit ensemble. Pour quelques décibels, mis parfois nos lèvres en sang. Entends c'est ça, ouais ensemble. Parce que c'est ce qui restera, les jours où on sera tous ensemble. On a forcé les portes, affronté les tempêtes. Un vécu dur qui tournerait tes idoles en tapette. On est ces mecs au casque noir sur la moto. Fallait pas se frotter à peine qu'il y ait Minamoto. Laisse-nous kiffer nos heures, tout seul dans notre coin. On fait du rap, pourquoi dire qu'on en veut à ton pain. Avec du cash ou du sable dans les fouilles. On apparaît toujours avec les nables, autorisation de nos couilles. Et quand viendront les comptes et qu'on sera tombé, tu pourras dire putain le rap, mais qu'est-ce qu'ils ont aimé. En attendant ce jour qu'ils goûtent à nos lames effilées, tu nous trouveras toujours là droit au bout de ce défilé. Spartiate Spirit. Dans cet étroit corridor, leur nombre ne comptera plus. Et vague après vague, leurs assauts se briseront sur nos boucliers. Toujours là, ouais. Toujours là. Ouais. Toujours là. Toujours là. Ça, ouais. Sur nous-mêmes le temps s'effrite, spartiate spirit. Même si la route est longue, si je doute, si je tombe, tout est écrit pour toi et moi. Même si l'on se perd parfois, je peux lire à travers toi. Non, la Radio à Coupé, con música fácil de escuchar. J'ai l'impression d'être inutile. Sans toi, tout me paraît futile. Sans toi, le ciel est gris. Mon cœur, tu l'as pris. Aimé, tu me l'as appris. La nuit sans toi, je pousse des cris. Sans toi, je sais plus où je me dirige. Mon corps se divise, mon cœur me néglige. Sans toi, je suis proche du vide. Envie de me jeter, sans toi, je ne suis plus. Sans toi, ma vie est claquée. Sans toi, le temps ne passe pas. Je t'en supplie, ne t'en va pas. Reste avec moi, sans toi, tout ne va pas. Sans toi, je tiendrai plus debout. Sans toi, je tiendrai pas le coup. Sans toi, je ne vaux rien du tout. Ce sera nous contre le monde. Contre le monde. Nous, je serai ton ombre. Qu'importe ce que l'on regrette. Ce sera nous contre le monde. Oui, je resterai ton ombre. Dis. Même si la route est longue, si je doute, si je tombe, tout est écrit pour toi et moi. Sans toi, avec toi jusqu'à la mort, on mènera le combat. Avec toi, je suis prêt à partir, quitte à plus revenir. Y'a qu'avec toi que je veux bâtir mon avenir. Devant toi, les autres ne font pas le poids. Je te le dis franchement, les autres, je les regarde même pas. Avec toi, je suis le plus heureux, je suis le plus comblé. Le plus comblé, y'a que toi qui me fait trembler. Avec toi, le temps s'arrête. Avec toi, je suis sur une autre planète. Avec toi, je suis prêt à affronter le pire. N'aie pas peur, ouais, ne pleure pas. Aujourd'hui, nos erreurs ne comptent pas. Ce sera nous. Ce sera nous. Nous contre le monde. Contre le monde. Nous, je serai ton oncle. Qu'importe ce que l'on regrette. Ce sera nous. Ce sera nous. Contre le monde. Contre le monde. Oui, je resterai ton oncle. Même si la route est longue. La route est longue. Si je doute, si je tombe. Si je tombe. Tout est écrit. Toi et moi. Même si l'on se perd parfois, je peux lire à travers toi. Nos larmes s'effacent, ne t'en fais pas. Même si la route est longue, la route est longue. Si je doute, si je tombe, si je tout est écrit pour toi. Yeah, my death when he babe. Yeah, si je pleure un tête à tête, je te tire en dessus. Négro, tu refuses des têtes à tête et tu te pisses dessus. Hicham et Toumani sont témoins, ce négro est faible. Ce négro tremble, frérot, ce négro bégaye. Mais voyons, petit ourson, arrête de faire la tête. Voilà le premier extrait de ta prochaine mixtape. Je t'ai vu dans le futur avec un tel Alcatel. Frérot, c'est pas halal, y'a que dans ton slip qu'il y a du caramel. Mon casier judiciaire sur le net résonne. À part B2O, j'ai violé personne. Lambeau en leasing, appartement en location. À Bois d'Arcy, ton parcours refait drôle de réputation. T'as sucé tout le 9-3, donner ton cul dans le 9-2. Goûte ma tique du 7-8, j'fous le Milan en Ligue 2. Tu payes des billets première classe aux michetonneuses de Paris. Arrivé à Miami, elle s'arrête à l'étage de Fouini. B2O, billage, easy. Arrête de michetonner ta bouche sans le zizi. T'as quelques fans qui ne savent pas encore qui tu es. T'es pas dans le futur, ton album est imparfait. Fais tes feats avec Rick Ross, ben voyons. Une victime en featuring avec un ex-maton. Casier judiciaire aussi gros que ton pot de protéines. La prochaine fois sors ta caisse quand on se croise au pied du building. J'procède à l'autopsie, mais tes couilles sont au régime. Les vrais savent pourquoi les anniversaires s'annulent au régime. Négro, t'as des tatouages, on a des cicatrices. Manon sait quitter B2OBA. Mon casier judiciaire sur le net résonne. À part B2O, j'ai violé personne. À part B2O, j'ai violé personne. À part B2O, j'ai violé personne. J'suis propriétaire, Fouini est propriétaire. J'suis propriétaire, Fouini est propriétaire. Si j'perds un tête à tête, j'te tire en dessus. Négro, tu refuses des têtes à tête et tu te pisses dessus. J'aimais ma mère et j'aurais tout fait pour elle. Ils ont kidnappé la tienne mais t'es pas tombé pour elle. T'as appelé les poulets, les tralala, les empreintes. Fais comme Fouini baby, moi j'ai jamais porté plainte. On habite dans le même bloc, négro, see you soon. J'ai peur de Eliafa comme j'ai peur d'Elysée Moon. Pas quel city gang, mais t'es jamais à Dakar. T'inquiéteras ta green card, arrête d'esquiver les bagarres. Tu kiffes Fouini story, négro c'est la vie. Après le rap je vois bien comme danseuse, ok Audi. B2O, Biatch, Bitch, Eke et Ellie. Je vois que tu parles de Chibujen, neuf de riz. Ils ont traité ma mère, je leur pardonnerai jamais. Easy, easy, easy. Arrête tes conneries, petite zoulette R&B. Vocodeur, où est le Renoir qui rappait avec Kali? Mon casier judiciaire sur le net résonne. À part B2O, j'ai violé personne. À part B2O, j'ai violé personne. J'suis propriétaire, Fouini est propriétaire. J'suis propriétaire, Fouini est propriétaire. Si j'perds un tête à tête, j'te tire en dessus. Négro, tu refuses des têtes à tête et tu te pisses dessus. Easy, qu'est-ce que j'vais faire de tout cet oseille? Pas quel city groseille, bah bravo Moreille. Tu l'as pris à crédit, tu l'as dans ton parking. Des petits ont 16 ans dans ton clip, Renoir Bellec au casting. Descends qu'on boit un verre, arrête tes sales besognes. J'vais pas au pute, j'peux pas détrôner le duc du bois de Boulogne. J'suis des escarres, des femmes de ménage, rapos aux fidèles. C'est plus des jambes de coq à Sarbis, des jambes de sauterelle. T'habites dans un building, sera toujours mieux pour sauter. T'es bien balèze, tu ressembles à Gérard, des filles d'à côté. Crédible sur le net, gangster virtuel. J'ai fait un feat avec Booba, ça prouve que j'ai rien contre les homosexuels. J'viens de loin, j'ai connu la Hesse, les huissiers, la Zermi. T'es ni une cuillère en or dans la bouche, mon petit Ellie. Arrête de rapper nos vies, négro t'as aucun vécu. Notre bif a fait grimper le cachet de tes agents de sécu. T'as attendu de bouger pour sortir ton chocla. Je suis venu, j'ai vaincu, toi t'as tapé la harba. Il ne peut en rester qu'un, pour ça que t'as déménagé. On connaît tous ta religion, arrête de la renier. Mon casier judiciaire sur le net résonne. À part B2O, j'ai violé personne. À part B2O, j'ai violé personne. J'suis propriétaire, Fouini est propriétaire. J'suis propriétaire, Fouini est propriétaire. Si j'perds un tête à tête, j'te tire en dessus. Négro, tu refuses des têtes à tête et tu te pisses dessus. Elle a quoi, B2O Béatrice? Elle a ses règles ou quoi? Elle est là, elle peut plus rien faire en rap. Alors elle veut se faire du buzz, elle invente des rumeurs sur Fouini. C'est un pointeur, c'est un pointeur, c'est un pointeur. Hey, dans ton canular bidon, la meuf elle est en train de dire qu'en 1997, moi j'ai agressé une mineure. En 1997, j'avais 15 ans. Agression sur mineur, moi-même je suis mineur, ça n'a pas de sens. Tu fais sûrement allusion quand je t'ai pointé, B2O Biatch. Ou elle fait sûrement allusion, je sais pas, moi au collège j'ai dû mettre une petite main au cul à une meuf vite fait. Oups, pardon. Bon, bref, madame la juge, m'oreille.

ma meilleure. Les années passent mais je garde le meilleur. Tu es ma meilleure, tu es ma meilleure. Les orages passent et demain sera meilleur. La tour Eiffel, tu vis le rêve américain. Sauf qu'à la fin tu te réveilles encore bien raide. À mon papa ne dites pas qu'avec mon équipe en boîte hier on a claqué 10 balles. Mentalité bien française, tu sais qu'on s'arrange sur le boulevard avec un range. On vient de niquer ta gonzesse, je te confirme qu'elle est trop bonne. Non non c'est pas un grave, je me crois dans GTA, je me balade vers Ocean Drive. Ici c'est bien le diable qui les protège sur ma mère. Que d'abus de folle de weed, d'alcool de prothèse ma mère. Le soleil se couche jamais, c'est qu'une apparence. 3h du matin tout midi, moi je fais plus la différence. Une pensée pour Rafif, j'y repense quand j'ai des dollars. Je me lève du lit, je jette la pute, je vais changer des dollars. Petit rappeur de merde, arrête de faire les Tommy. Je baisse ta femme, je rappe mon couplet devant la villa de Tommy. Le placard on connaît, moi j'ai squat depuis l'an 2000. Ouais, la rue on domine, mon cœur un putain de champ de mine. Ouais, je la fous pas dans zen. Enchanté mademoiselle, appelle les keufs, je fume le rap français au coin de la 23ème. Manque de respect à mon équipe, gros. Par terre, fais le mytho pour du liquide, gros. On teste par terre, toujours un neuf bloqué de type, gros. On teste par terre, on teste par terre, on teste par terre. Avec un prototype qui va te crever l'œil. Comme ça, petit bâtard, c'est évitera de me le porter. Ne viens pas m'aborder, j'suis avec Jaco, Jean-Mi. On s'en fait tellement belle, crois-moi qu'il n'y a personne que j'envie. Le trafic, j'envie, j'attends la paix qu'elle rentre. On a trop mangé de bière, laissez-nous dans notre 10-40. Petit, le mérite, j'en dois l'estorquer. Y'aura qui grand fils de pute qui viendront pas m'escorter. Ok, là j'suis à Miami. Glenn prend un peu d'image. Je veux faire kiffer mon public. Je ne veux pas faire de l'audimat. Moi de fuck. Je me dors avec un choc. Et ceux qui me veulent du mal doivent faire l'amour avec un Glock. Glock humaine, nous fusil à lunettes. Ce mec est tellement con qu'il rêve de se faire niquer par lui-même. Oui, mais je veux te la mettre dans le cul sur tous ces temps-ci. Moi t'as le sein, t'es de Jack, et plus sage intense. Manque de respect à mon équipe. Gros, on teste par terre, fais le mytho pour du liquide, gros. On teste par terre, toujours un œuf bloqué de type, gros. On teste par terre, on teste par terre, on teste par terre. Le placard on connaît, moi j'ai squat depuis l'an 2000, ouais. La rue on domine, mon cœur un putain de champ de mine, ouais. Je la fous pas dans zen, enchanté mademoiselle. Appelle les keufs, je fume le rap français au coin de la 23ème. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. On me donne un budget pour réaliser mes rêves, souvent dans l'excès. Pour se vider la tête, le goût du succès. Au bout de mes lèvres, je cherche une fusée. Pour quitter la terre, faudrait qu'on pense à sauver notre sort. Faudrait pas qu'on s'éternise. Et je cherche à rouler sur l'or. J'ai toujours pas le permis. Faut que je t'explique comment on procède. Toi et tes biceps sur ta pochette. N'ayez pas trop le seum. Si j'ai le flow que t'auras l'année prochaine. Paraît que l'avenir est devant. Paraît que la terre nous appartient. Journée noire et nuit blanche. Dans nos têtes, c'est l'apartheid. On crache pas sur ce qui s'offre à nous. Rentrez ça dans vos petits crânes. Je parle pas de faire un feat soprano. Réel besoin d'un psychiatre. Comment retenir le seum. Un pour tous et tous contre un. Oui, j'arrive à me sentir seul. Avec un Facebook. Et je compte bien régler ce truc avant de voir venir le coup du chétan. Que le fucking rap game me lèche la paire de couilles que j'ai pas. Entre ce parti trop vite et quelques vies trop longues. Plus je tourne en rond, plus ça chauffe à croire que j'habite un micro-ondes. Que les jacques cessent leur balivernes n'est pas les nerfs. Je sais pas qui c'est le rappeur que tu préfères. Dis-lui qu'il passera pas l'hiver. Et dis à ceux qui nous aiment pas qu'on les aime encore moins. Que je voulais juste kicker et que Dieu m'en soit témoin. Je suis pas là pour me faire des potes. Je préfère viser le ciel pendant qu'ils rêvent d'avoir la cote. Je suis venu briser les tiennes et j'aurais plus qu'à fermer les yeux, serrer les poings. Quand j'en aurai marre de traîner là où les hommes font tourner femmes et joints. On cherche plus l'amour de nos vies, on cherche le vrai luxe. Et je suis pas né de la dernière pluie, je suis né un jour de déluge. Qu'on me donne un budget pour réaliser mes rêves, souvent dans l'excès. Pour se vider la tête, le goût du succès. Au bout de mes lèvres, je cherche une fusée. Pour quitter la terre, qu'on me donne un budget pour réaliser mes rêves, souvent dans l'excès. Pour se vider la tête, le goût du succès. Au bout de mes lèvres, je cherche une fusée pour quitter la terre. Je cherche une fusée.

big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. Come on, man. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Is that your grandma's coat? De quelque part tous. Comme le pont construit des deux côtés de la rive, je n'appartiens qu'à celui qui peut ôter la hive. On donne à l'île la bonne aventure, on donne la vie. Je suis libre comme un Palestinien sans les plages de Tel Aviv. Allahu Harlem, si je viens de là où Harlem, moi je parcours le monde entier là-bas sur une Harley. Cherche pas à savoir d'où je viens mais où je vais. Je suis un peu Toujda, autant qu'un peu Ouzbek. Je suis plus british qu'Elisabeth. Quand je porte les couleurs de Manchester United, je paye en dinars dans les pays scandinaves. Coupe ma journée de jeûne avec une citronnade à 110 bahts. On mérite bien mieux qu'un seul méridien. Je porte une casquette de Yankee sur une coiffure d'Amérindien. Je suis un hybride d'origine qui s'empile. Je m'enrichis au contact des autres je comme le sang-pli. Je suis fait de l'histoire entre des peuples et victoires, mais de cette terre qu'on piétine. J'ai souffert des regards, mais j'ai souffert dans le noir. Oui, je suis fier d'être made it, parce que le monde est en nous. Oh, oh, oh, oh, oh. Parce que le monde est en nous. Oh, oh, oh, oh, oh. Mon choc des civilisations chantonne. Salamu alaikum à Samuel Huntington. Je voyage léger en compagnie low cost. Encore un morceau qui sans doute va accompagner nos causes. Je suis qu'un résident provisoire. Seulement pour les gens de la PAF qui tamponnent les visas. Que tous les douaniers me dévisagent. Made in, c'est de la marchandise, made in de tout part. Made in Venezia, je viens d'un village de Vientiane. Made in Venezuela, via les fins fonds du Vietnam. Une seule identité, c'est ce à quoi nous nous rabaissons. Je suis le poil de barbe dans la soupe qui nourrit le débat d'Éric Besson. En ce monde, j'aime sa nature, j'aime ses villes. Je l'admire d'où l'on voit la calvitie du génie civil. Oh. Made in Scotland, où il y a moi la mentalité. Qu'on me démembre et me disperse à travers je l'humanité. Je suis fait de l'histoire entre des peuples et victoires, mais de cette terre qu'on piétine. J'ai souffert des regards, mais j'ai souffert dans le noir. Oui, je suis fier d'être made in, parce que le monde est en nous. Oh, oh, oh, oh, oh. Parce que le monde est en nous. Au-delà des règles qui définissent les normes, par-delà les frontières dessinées par les hommes, ce ne sont pas les lois qui dictent ce que nous sommes. Refuse les ordres d'être à l'image qu'on te donne. Le monde est en toi. Le monde est en toi. Le monde est en toi. Le monde est en toi. Je suis fait de l'histoire entre des peuples et victoires, mais de cette terre qu'on piétine. J'ai souffert des regards, mais j'ai souffert dans le noir. Oui, je suis fier d'être made it, parce que le monde est en nous. Oh, oh, oh, oh, oh. Parce que le monde est en nous. Oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah. Je suis fier d'être made it, yeah. Je suis fier d'être made it, yeah. Je suis fier d'être made it. I'm so proud, I'm so proud. Fou Kataka MDR2 Frolance plus. Les taux se resserrent. On a de la beuh, du ster. Oh, on est bien, on a des feuilles, des gratis. Tu veux quoi, du feu? Tu veux quoi, ma bouche? Enfoiré. Quand les taux se resserrent, t'es comme un vaussaire, t'en crains d'un Doberman. On veut pas voir le docteur Leserman, homme, on a besoin d'un barman. Quand on va au parloir et qu'on voit Casper, on devient tout pâle. Quand y'a pas de pilon, et ben y'a pas de mal à se faire une pâle mal. Pour se rincer l'œil, on fonce à l'infirmerie, on va voir les petites infirmières. On prémédite nos fourberies, moi je fais de mes niques, j'ai mal aux dents, elles prescrivent des effets ralgrands. Je crois que on se tape des parents, se demandant sortir à grand. Force de me chercher des noises, un jour la chef enverra le gland. Elle goûtera ma viennoise, elle criera, ouah putain, c'est grand. Oh c'est bon, oh c'est cool, je veux plus que le temps s'écoule, je répondrai ça. Baisse-toi, bouffons à les couilles. Ouh, gataga, nique sa mère leur justice. J'fume le taga, mais j'nive pas. Pour être speed, moi justice. Parlez pas de ma rue, parlez pas de mon enfer. Parlez pas de ma vie, non, parlez pas de mon affaire. Les frères, c'est pas de ma faute si toute l'arme fait belle me reste. C'est parce qu'elles savent qu'avec moi, ma hôtel, ça va pas naisse. Elles connaissent l'animal d'art, elles connaissent le palmarès. J'représenterai Bévalet, qu'est-ce que j'kiffe me faire la haisse. Moi, il me faut de l'oseille, c'est à peu près tout ce qui m'intéresse. J'suis faillage plein dans les airs, j'côtoie que des extraterrestres. J'représente pas les suceurs, feuilles des putes et les caresses. Moi, j'rappe pour les connaisseurs, pour pas aussi à Bouycarex. Les biens ancrés sur le pavé, j'ai l'impression de faire du surplace. Marque que des trucs de taré, j'ai l'air d'un mec perdu sur Mars. Faut que je me surpasse là, j'ai train d'observer les terriens. Je considère les mecs comme mes frères, et je veux que pour eux je n'étais rien. Maintenant que j'ai que ça les instruit, je parle plus du tout avec les cons. Pour éviter de péter les plombs, et bah il vaut mieux couper les ponts. Je préfère être seul avec ma mère que d'être guidé par diplômé après avoir côtoyé la merde. T'inquiète, chez qui sont les bons. Le haps, les frères tenaient bon, y'a que les matons qui restent là-bas. La liberté elle est pendante, tu me prends pas caresse là-bas. Ouh, Kataka, faut qu'ils se partent tous. Bâtard. Faudra bien que je m'empare du rap, ouais, sera jamais trop tard. Gamberge d'un mec au mitard, parti pour faire plusieurs jours sans voyant la veille au prétoire et deux jours avant dans la cour. Fourchette à défaut de 6-35, faut pas finir déjanté. Écrou de 9-1-6-3-5, 42 rue de la Fonce des Hondes, dit que l'amitié elle est sacrée. Moi m'a trop déçu, donc maintenant même mon meilleur pote, si y'a Haja, je tire dessus. Pour bien gagner sa vie, ouais, je crois qu'il faut souhaiter au travail. Et quand c'est Watt qui sert de cible, bah c'est l'état qui te rafale. Passionné par la zip, j'y consacré tout mon temps. Je sais que quand on se pisse dessus, bah on a pas chaud très longtemps. Je fais du boucan même au car plat, les concurrents ils ont les poules. Je préfère jeûner avec les corbeaux que de bigorrer avec les poules. Un star fuck mal pour au live. Je réponds Skyrock qui m'appelle. J'ai déjà rappé toute la night. Je préfère styler toute ma peine. Ma belle, non, c'est pas ouais. C'est les autres que je traite de pute. Maintenant qu'on se frappe à ma porte, c'est plus les keufs quand y'a un but. Tout ça lève l'œil, consomme du wachou. Alors comment va la famille? Et t'as besoin de rien, c'est bon. Je réponds Nancy, Mermani. J'ai dû shit des feuilles, des clopes. Ma pose sur le George Armani. J'ai tellement les crocs d'Awa. Qu'elles sont carrières mécaniques. Si j'avais écouté la conseillère, j'aurais fait de la mécanique. T'as fait tout le mois pour ton sort. Je préfère dire à l'état. Nicta, grand-mère la salope et laisse-moi dans ma lulcé. SS, ferme la porte, bâtard, toi-même tu sais. Parfois vivre, c'est souffrir, souffrir. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. C'est trouver un sens à cette souffrance. J'entends mes profs me dire, ta culture c'est l'hécatombe valide. Depuis je dois bien écrire, l'avocatome valide. La délinquance trop occupée pour me tourner vers elle. Ray, mes vieilles déceptions sont tes nouveaux rêves. Ce que j'ai dans le crâne, tu le verras pas dans ton IRM. Solidaire en tôle avec mes refs comme Tony Verrel. Nos plus belles chansons parlent des bâtiments. Certains anciens sont dans les rôles mais pas le département, non. Je me suis vu combattre la rue et éperder, je crois. Donc je l'ai quitté pour pas que mon fils réitère l'exploit. Beaucoup sont encore en vie mais perdent espoir. C'est la survie, c'est mon domaine, j'y faire laisse-moi. Leur vie est belle, ils trouvent la nôtre vulgaire. Ils sortent de boîte à l'eau, putain je suis à l'aube d'une guerre. Les pacifistes fashion portent des vestes militaires. Les descendants de Gandhi portent des 9 millifrères. Merde, tu crois qu'on se laisse faire? Non non, reste tranquille. Je garde un œil ouvert pour que ma mère n'arrête tranquille. Jeu de mots, quand tu nous tiens dans la rue, des mecs m'accostent, nacos, continue bien. Le peura c'est toute ma if, pousse-toi. Surtout que j'arrive comme un dealer de coke. Je crois que je suis gagnant sur toute la ligne. Les concerts à Paris se passent bien. Y'a pas trop staff, viens, voilà le staff. Nac, les 10, Nathalie Bastien. Leur vente chute, ils ont honte de dire leurs chiffres. Je mélange rap et boxe comme Boris et Daddy Lord. Si c'est le chaos, car la terre vient de trembler. Je voudrais un kawé, ouais, j'ai le caractère bien trempé. Ton gamin grandit trop vite, c'est insensé, yo. Il regarde les prix des yachts en finissant son yop. Je vais encore éclater la boîte de Nurofen. Je crois que je suis perdu, mais t'es en place, le numéro vert.

ma chance, je l'ai provoqué. L'argent, je l'ai mérité. Dis-moi à qui je dois des comptes. Mes parents parlent à peine français, mais j'ai été éduqué. J'ai pas le visage de la honte. On vise jeune homme, plein de rêves, dès qu'il automne, qu'on achève. Tu cours devant tes cauchemars, tu t'essouffles, sors la chance du placard, sors du gouffre. Jeune entrepreneur, oui je fais des billets, dis-moi en quel honneur tu me dévisages, tu veux m'expulser. On prend le beurre, on l'a pas volé, demain j'épouse la crémière, ça y est, je suis refait. Yeah. Psartek la famille, psartek mon ami, tu fais des sous, psartek le Audi, t'as ouvert un commerce, psartek l'économie, je te revois enfin, psartek la condi, je te sens heureuse, psartek à la mort, yeah. T'as des contractions, psartek pour le bébé, sinon moi ça va, dis-moi psartek, je sais, j'passe à la télé en 4D avec la moi, fille. Moi ma chance je l'ai provoqué, l'argent je l'ai mérité. Dis-moi à qui je dois des comptes. Mes parents parlent à peine français, mais j'ai été éduqué. J'ai pas le visage de la honte. On vise haut. Je me love et je les bidiche à la Ricross. J'ai pris du poids, ma mère l'a vu, m'a dit Saïd. Alhamdoulilah, pas de réussite sans sacrifice. D'où je viens, j'oublie pas. Car avec mon père, Marianne était servie. Tony Denza, ils ont prédit ma fin. Les jaloux doivent être Maya. En 2013, je suis encore là. Moi, ma chance, je l'ai provoqué. L'argent, je l'ai mérité. Dis-moi à qui je dois des comptes. Mes parents parlent à peine français, mais j'ai été éduqué. J'ai pas le visage de la honte. On vise haut. Avec le béton, le temps c'est l'argent, c'est le ghetto. On veut pas la part, mais tout le gâteau. Maman nous a bien éduqués, mais bon, elle est épuisée. C'est à moi de prendre le relais, je me bats pour l'avoir comblé. Mais putain, dis-moi pourquoi me justifier. J'en ai marre de cette mentalité. La daronne mérite la qualité. Elle s'est privée des années pour ses bébés. Rêver de l'avoir loin du ghetto. J'ai dû taffer, j'ai dû bosser, me lever tôt. Je vais pas te faire un discours de mytho. Car on a besoin de faire de l'euro, Vincenzo. Dans les bacs, traverser l'époque, mais un peu moins que Snoop Dogg. Dans les charts, c'est quoi qui te chante? Notre traversé en pirogue, nous notre chance on l'a provoqué. Ne venez pas nous porter la guigne, la vision elle est encadrée. Tout le reste c'est de la paraffine. Moi ma chance je l'ai provoqué, l'argent je l'ai mérité. Dis-moi à qui je dois des comptes. Mes parents parlent à peine français, mais j'ai été éduqué. J'ai pas le visage de la honte. On vise haut. On est fier de ce qu'on est. La chance faut la provoquer. Le bonheur faut le mériter. Sika. Première ligne, t'es déjà sous le charme. T'es fou, ça fait longtemps que je ris, mais j'en paie les charges. Ah.

shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright. Font la diff, y'a ceux qui parlent et ceux qui font du diff. Radio à couper, con música, fácil de escuchar. Et toi, charbon, enculé, t'élève. Car la merde, on la laisse derrière soi. Si tu parles dans mon dos, c'est que je suis loin devant toi. Le bif appelle le bif, quand tu marches droit. Les choix sont décisifs, m'arrêter, j'ai pas le droit. Le parcours est physique, de plus en plus explicite. Toute cette haine que je suscite me pousse vers la réussite. Les MC meurent sous X, c'est la fin du synopsis. Ika, il le phénix, le seul héros de mes fils. Putain, j'étais mal barré, égaré entre GRB et maison d'arrêt. La porte m'a traqué, je n'ai jamais craqué. Qui veut plaquer le quarterback, l'invention du 9-4. Ma mort sera commercialisée comme tout ça. On est des winners. Tous les jours on est avancé. Pour nous rien n'est impossible. Ouais, on est des winners. Regarde où on est sans limite. Pour le cul des polémiques. Pour nous t'es un winner. Que cette vie tu la maîtrises. Gère la comme un poli. Ouais, on est des winners. Des winners. Je connais pas la loose, c'est un pour le flouze. Je divorce de la haine afin que le cash m'épouse. Wesh wesh gouze, fais péter le Grey Goose. J'ai quitté le froid de Paname, jeté ma double goose. Me voilà sous le sun, sur scène c'est le fun, c'est le feu gros. Évite d'avoir le seum, tu sais d'où je viens négro. Toujours de la street, entre cœur Bryce 6 gros. Toujours un flow street, qui les gifle quand ils parlent trop. La compète me fout la trique, pour la gagne et le fric. Je sens que je vais finir accro. Je dois brasser si je brille, tant mieux. Je ne change pas, c'est eux qui partent en vrille et deviennent envieux. On s'installe, lâche rien, toujours la dalle. On monte ces salopes, redescendent de leur piédestal. Chacun son heure, là c'est la nôtre. Ici les winners te font facturer la note. Ouais, on est des winners. Tous les jours on est avancés. Pour nous rien n'est impossible. Ouais, on est des winners. Regarde où on est sans limite. Pour le dessus des polémiques. Pour nous t'es un winner. Que cette vie tu la maîtrises. Des winners, des winners. Ceux qui parlent sont des losers. Enfant de la rue qui a investi dans l'industrie. J'ai survécu à toutes les guerres, j'ai fait mes couilles sur Vitry. On fait nos thunes, nous prennent pour des Illuminati. Dans la tête d'une dynastie, on est rare et cher comme Bugatti. T'as parié sur le bon cheval, 9-4 l'écurie. Tu connais le refrain dans le box avec Kerry. Dollar en Syrie, on baisse ton nom de ceux qu'on périt. Qui veut s'en prendre à mon blé, je l'enterre dans la prairie. On s'approche du but, mais ouais le rêve. Faire un max de money comme Floyd Mayweather. Toujours la classe, la boule pas de wave. Cousin on est les winners, le reste on les crève. Cousin on est des winners. On est des winners. Tous les jours on est avancé. Pour nous rien n'est impossible. Ouais on est des winners. Des winners. Regarde où on est sans limite. Pour le dessus des polémiques. Pour nous t'es un winner. Des winners. Que cette vie tu la maîtrises. Gère la comme un poli. Ouais on est des winners. Des winners. Des winners. Des winners. Des winners. Sont des losers. Ceux qui parlent sont des losers. Ceux qui parlent sont des losers. Ceux qui parlent sont des losers. Ceux qui parlent sont des losers. Je viens d'une cité qu'on appelle les Cahouettes. À Neuilly Plaisance dans le 93. Ma vie c'est le charbon, mes vêtements sentent la presse. Je me présente en chantant, chanter c'est ça deck. Je suis tombé dans le rap par accident. À 11 ans je me suis fait renverser en bas de chez moi. J'ai frôlé la mort sur un bloc de ciment. J'étais pas censé survivre, ça m'a donné la foi. Cloué sur mon lit pendant plus de 12 mois. Immobilisé, j'ai fait que prendre du poids. C'est dans mon malheur que j'ai trouvé ma voix. Des milliers de couleurs apparaissent sur ma toile. Pour passer le temps, j'ai commencé à écrire des images et des mots que j'étais incapable de dire. On étouffe nos peines dans la colère et les rires. Je suis marié à mon art pour le meilleur et le pire. Nini, c'est Mecto, Mecto. Tu ressens mon son, c'est qu'on tient des mêmes tours. Si on doit m'enterrer, tu sais que c'est le Mecto. Si un jour je dois prier, ça sera le Mecto. C'est le Mecto, Mecto. J'cours derrière mes rêves, je deviendrai peut-être fou. Si on doit m'enterrer, tu sais que c'est le Mecto. Si un jour je dois prier, ça sera le Mecto. Des taches d'encre ont entaché mon vécu. J'écoutais du rap pour penser mes blessures. J'ai commencé l'éclat, génération 8 Mile. Je sais que devant le collège, ils se rappellent de mes faces. À mon carnet de chasse, plus de 200 visages. Plus d'un millier de freestyle, c'est un besoin vital. Rapper pour oublier toutes ces putains d'images. Je veux plus jamais voir ma mère sur un lit d'hôpital. Sans pitié, je les élimine, me toucher, ils peuvent pas. Demande au K54, il me suffit d'une seule phase. Avec Amadoun, je voulais devenir une Rasta. Mais il m'a répondu que le rap ne l'intéresse pas, n'est-ce pas? C'est le Mecto, Mecto. Tu ressens mon son, c'est qu'on vient des mêmes tours. Si on doit m'enterrer, tu sais que c'est le Mecto. Si un jour je dois prier, ça sera le Mecto. C'est le Mecto, Mecto. J'cours derrière mes rêves, je deviendrai peut-être fou. Si on doit m'enterrer, tu sais que c'est le Mecto. Si un jour je dois prier, ça sera le Mecto. En couverture, j'ai montré que j'étais un guerrier. Que j'avais plus de ressources qu'il n'y avait de bulles dans le Perrier. Je l'ai harcelé, la dalle a parlé pour moi. Forcé d'aller tout droit ou disparaître dans un trou noir. J'ai promis au quartier que je ferai jamais de coup bas. Que d'ici 3 ans, je serai même plus fort que Booba. 5 ans dans une cave à forger mon écriture. Bigrave par nécessité, rêve en petite coupure. J'irai chercher ma place, j'irai chercher mon pire. Pousse qu'à pétrification, il m'a suffi d'une seule prise. On gâche pas les munitions, gros, je vais. Tout le monde d'accord. Avec deux freestyles, j'ai signé en major. La légende de Johnny Nam sort en 2012. Mon son vient du cœur, il a tourné partout. Je vous ai raconté le début de mon parcours. Mon destin entre vos mains, il appartient au Mecto. C'est le Mecto, Mecto. Tu ressens mon son, c'est qu'on vient des mêmes tours. Si on doit m'enterrer, tu sais que c'est le Mecto. Si un jour je dois prier, ça sera le Mecto. C'est le Mecto, Mecto. J'cours derrière mes rêves, j'deviendrai peut-être fou. Si on doit m'enterrer, tu sais que c'est le Mecto. Si un jour j'dois prier, ça sera le Mecto. C'est le Mecto, Mecto. Je ressens mon son, c'est qu'on vient des mêmes tours. Si on doit m'enterrer, tu sais que c'est le Mecto. Si un jour j'dois prier, ça sera le Mecto. C'est le Mecto, Mecto. J'cours derrière mes rêves, j'deviendrai peut-être fou. Si on doit m'enterrer, tu sais que c'est le Mecto. Si un jour je dois prier, ça sera le Mecto. Vu que la terre est ronde, j'ai rencontré le diable, elle était belle et blonde. Mes potes passeront toujours avant mes frénégondes. Repas le monde en noir et trouves-tu pas que ça ressemble à une bombe? Je recherche sur eBay un fusil d'occasion. Je viens faire éclater la vérité comme un kamikaze. Ici pour se faire entendre, faut faire une prise d'otage. Je préfère mourir que finir en cage comme Christophe Caz. Nous on tourne pas la page, on arrache le livre. Si on perd un pote, faut surtout pas que les autres vivent. On a des ogives grosses comme des olives, des cœurs d'artichaut. On méprise la mort sans gloire comme au Bushido. J'ai appris à Chito que la roue tournait pour les hamsters. La mort s'appelle Lucie et je veux plus voir Lucifer. Il est temps de se refaire, y'a plus de temps à perdre. Si ma télé avait un trou du cul, mon salon serait plein de merde. J'claque de l'oseille, clac clac clac de l'oseille. Moi j'claque de l'oseille avant que la flicaille me braque. J'craque le soleil, tra tra tra le soleil. Ouais j'craque le soleil avant que la grisaille me traque. Quand j'trouve pas sommeil, j'trouve pas sommeil. Ouais quand j'trouve pas sommeil, j'vais crier à val au brac. J'dors que d'une oreille, j'dors que d'une oreille. Ouais j'dors que d'une oreille, je suis paranoïaque. On prend le taureau par les couilles, Red Bull. La seule mer dans laquelle j'ai nagé, c'est l'amertume. Hommage aux pauvres, je veux pas être l'otage de mes tues. Je suis simple, j'aime quand ma petite mère prépare un potage de légumes. Bas les blancs de leur caviar et de leurs huîtres pas fraîches. Paraît que je manque de délicatesse. Mais mon fils dit à l'école, c'est le petit-fils Jack Mess. Je suis blanc mais je subis le délit de faciès. Ils ont détruit ma thèse, mon enfance est sous les gravats. Je suis sous les graves mais faut pas qu'on baisse les bravas. Ils pensent qu'à faire la java, c'est pas vanner, garde-les. Ici crie en héros, surtout quand il est armé. J'ai jamais loupé un seul fait entrer l'accusé. Mais je veux pas me faire expertiser par Dominique Crisé. Dieu a créé l'homme, Smith et Wesson nous a égalé. Casse les pattes de tes brebis pour pas les voir s'égarer. J'claque de l'oseille, clac clac clac de l'oseille. Ou j'claque de l'oseille avant que la flicaille me braque. J'craque le soleil, tra tra tra le soleil. Ouais j'craque le soleil avant que la grisaille me traque. Quand j'trouve pas sommeil, j'trouve pas sommeil. Ouais quand j'trouve pas sommeil, j'vais crier à val au braque. J'dors que d'une oreille, j'dors que d'une oreille. Ouais j'dors que d'une oreille, je suis paranoïaque. J'claque de l'oseille, jure. J'claque de l'oseille, c'est Gecko. J'claque de l'oseille, j'claque de l'oseille, je suis paranoïaque. Welcome to the war. Laisse-nous faire et pour le reste c'est toi qui vois. Dis à tes rappeurs qu'ici c'est nous on fait la loi. J'ai dit welcome to the war. Vous allez rendre Watibé ce qui appartient au Watibé. Vous allez rendre Watibé ce qui appartient au Watibé. Rendre Watibé. Rendre Watibé. Rendre Watibé ce qui appartient au Watibé. C'est la cérémonie des Oscars. Bien dédié là-bas, des gourous, des costards. Désolé mais ce soir on est tous en mode star. Mesdames et messieurs ce soir, il va pleuvoir des Oscars. C'est le Watibé. Qui remet les trophées. C'est la Wati cérémonie des Oscars. J'ai plus rien à prouver qui gagne des trophées. C'est la Wati cérémonie des Oscars. Vous êtes les bienvenus dans le WAP. C'est la Wati cérémonie des Oscars. J'ai dit bienvenue dans le WAP. C'est la cérémonie charmée. J'suis nominé, j'ai ramené 2-3 TT. Check une bouteille dans la foule, y'a du démon pour l'occasion. Ça peut soigner, j'suis venu chercher mes trophées 100% ghetto cagoulé. J'ai vu trop de potes, c'est les trop de potes. C'est des personnes, mais des kiltrans. Le silence est torché, trimé, percé, stylé, assassiné. Trop de gens, les régalements parlent. Manquer de respect, tout le monde sait qu'on reste les champions incontestés. Cette année, j'vais te molester, en toute modestie. Parlez-moi qu'en espèce, rien à foutre ton estime. Sache qu'on a taffé chaque jour, sauf l'eau qui tifle chaque jour. Des mains comment échappe de tous nos talents, leur échappe tous. Sinon, moi c'est dans les hécatombes que j'aime bosser. Pour ça que tes hématomes sont devenus mes crânes fondés. C'est la cérémonie des Oscars. Bien dédié là-bas, des gourous, des costards. Désolé mais ce soir, on est tous en mode star. Mesdames et messieurs ce soir, il va pleuvoir des Oscars. C'est le Wati boss qui remet les trophées. C'est la Wati cérémonie des Oscars. J'ai plus rien à prouver qui gagne les trophées. C'est la Wati cérémonie des Oscars. Vous êtes les bienvenus dans le WAP. C'est la Wati cérémonie des Oscars. J'ai dit bienvenue dans le WAP. C'est la Wati cérémonie des Oscars. Qui rivalise si

on se connaît. Un autre pas vers l'avenir, je t'invite encore à me suivre. On se connaît, oh, oh, et je sais qu'on se ressent. On se reverra un jour ou peut-être pas. Mais sois-en sûr, sache que je partirai pas tête basse. Je finirai pas terre pas. Je perdrai pas mes valeurs, rappelle-lui s'il a ma terre batte. Je partirai sans me retourner ou je me retournerai sans partir. J'ai du mal à me confier, du mal à voir clair en mon avenir. Du mal à m'exprimer paradoxalement, du mal à me contenir. Du mal à faire preuve de compassion quand je vois les gens souffrir. J'ai du mal à reculer devant les obstacles, je suis incandescent. Loin l'innocence que j'ai pu connaître lors de mes premiers jours. À la base je n'étais comme as, j'ai fait mon peu de chemin. Et là j'ai dû dire adieu à la vertu lors de mes premiers sous. Et je voudrais grailler jusqu'à que j'en crève, ouais. Car j'en ai marre de me contenter des restes. On passe sa vie à dire adieu à ceux qui partent, jusqu'au jour où on dit adieu à ceux qui restent. Davantage, je le vois pas comme une envie de me retrouver solo. Mon quotidien m'évolue plus. Les seules surprises que j'ai se trouvent dans les Kinder qu'on nous offre chaque jour au boulot. Je sais qu'il y a pire, mais comment veux-tu avancer? Je suis un planning qui a déjà 2 ans d'ancienneté. Jeter l'éponge, j'y ai pensé plus d'une fois. Avoir un mental de plomb dans l'eau peut te couler parfois. Dites à ma mif que j'appellerai. Je n'oublie pas les gens toujours présents quand il le fallait. Dites à ma femme que je l'aimerais. Quelle que soit la distance entre nous, ça ne changera jamais. Même si la route que je suis n'est pas assurée, je reste sûr de mes choix, oui je les assumerai. Sans hésiter, juste suivre une volonté, quitte à me rendre compte que je me suis trompé. Vite viens pour de meilleurs lendemains. Aucun fardeau sur le dos, j'avance serein. Je prends mes distances car y'a pas pire. Solitude que c'est d'éprouver avec les gens. Va vite viens pour de meilleurs lendemains. Aucun fardeau sur le dos, j'avance serein. Je prends mes distances et je le regrette pas. Car y'a pas pire. Solitude que c'est d'éprouver avec les gens. Tat. Je ne fais que m'absenter.